C'est le moment de l'émission où on parle avec Raymond Poirier, qui est chargé de communication à l'Institut Technologie de l'Information et Société de l'Université Laval. Bonjour Raymond. Bonjour Tania. Et cette fois-ci, on va rester dans une catégorie urbaine, car tu nous parles de villes intelligentes. Et oui, en fait, il faut dire que Québec se positionne quand même assez bien à l'international dans les palmarès existants. C'est sorti à fin octobre, mais j'ai pas vu tant que ça rattraper, malheureusement. Mais Québec a été élu pour une deuxième année consécutive au sein de la Smart 21 Community. Ça, c'est une distinction qui est donnée par un forum international et qui détermine, dans le fond, les villes qui ont su démontrer le mieux les retombées positives des innovations du secteur des technologies de l'information et des communications sur différents aspects, dont les infrastructures, les investissements, le niveau d'éducation, croissance d'entreprise, etc. Donc, bref, de quelle manière on utilise ces technologies-là pour bonifier la ville. Et donc, Québec se positionne bien à l'international dans ce qu'on appelle les villes intelligentes. Ben, c'est bien ça, et pourtant, personne ne l'a mentionné. En tout cas, on me l'a pas dit. Non, mais là, on te le dit. On corrige la situation. Merci Raymond de corriger cette situation. Bien entendu, l'autre sous-question, ce serait qu'est-ce qu'une ville intelligente aussi? C'était ma prochaine, oui. Il faut dire que, pour l'instant, il n'y a pas encore de définition finale. En fait, Larousse n'a pas intégré ça. Les chercheurs n'ont pas encore fini non plus de dire, ben voilà, exactement ce que c'est. Ce qui fait que d'une ville à l'autre, la définition tend à varier. Je me suis dit, on va essayer de sortir quand même plus un concept général pour essayer d'idéaliser un peu et d'idéifier ce qu'est une ville intelligente. Donc, essentiellement, je dirais que c'est un ensemble de solutions technologiques qui visent à l'optimisation des aires urbaines par le traitement et l'analyse de données. Donc, essentiellement, on veut répondre aux difficultés qu'ont les infrastructures des grandes villes occidentales pour faire face à la croissance continue de la population et de leurs activités. Donc, ça se fait... par exemple, via une infrastructure en réseau, des standards ouverts, via une intelligence communautaire qui améliore la planification, le développement urbain, régional, les processus de gestion. Et ça se fait aussi à travers des initiatives liées à la durabilité environnementale, parce que l'idée, bien entendu, c'est d'avoir aussi un côté durable à tout ça. Donc, ça pourrait être quelques éléments de définition. Je bonifie avec quelques exemples. Par exemple, gérer en temps réel la congestion du réseau routier, prévoir les pics de consommation d'électricité, initier des programmes de rénovation urbaine plus efficaces, préparer la transition écologique. Donc, plusieurs pistes qu'on peut explorer autour de ce concept de ville intelligente. Et Québec, on fait ça, nous. Effectivement, quelques exemples que je te lance comme ça. Zap Québec, qui donne l'Internet sans fil un peu partout. Mais je me demandais si ça rentrait là dans la ville intelligente. Ça rentre là-dedans. Le RTC aussi avec la carte puce, par exemple. L'idée de mettre des GPS aussi dans les autobus, ça peut rentrer dans des initiatives comme ça. On a commencé aussi à ouvrir certaines données pour les développeurs. Ça rentre dans le concept de ville intelligente. Donc, il y a plusieurs manières de l'intégrer, mais l'idée, c'est vraiment d'amener les entreprises, d'amener les citoyens, d'amener les administrations à utiliser les technologies de l'information dans leur travail et dans leur travail dans la mesure où ça a un impact sur la ville, sur l'urbanité. Bien entendu, le chemin vers une ville intelligente, ça reste une stratégie de développement assez complexe. Ça nécessite une certaine adéquation justement de citoyens, entreprises, élus, entre les différentes infrastructures qui travaillent en TIC. Donc l'idée, c'est quand même d'avoir justement une initiative globalisante. Donc de savoir que tout le monde travaille dans la même direction et qu'il n'y a pas nécessairement de doublons non plus, que le travail des uns apporte aux initiatives des autres. Donc, dans le développement, par exemple, de services, d'applications, d'utilisation de vidéoconférences, des projets de télémédecine, télétravail, télésurveillance, information en temps réel, etc. Et il y a plusieurs belles initiatives qui ont été mises en place, d'ailleurs, à l'international. Je t'en lance quelques-unes. Je parlais tout à l'heure d'éléments liés au trafic. On se transporte à Minneapolis ou encore à Shanghai. Eux, ils ont intégré ce qu'on appelle le Floating Car Data. Ça, c'est une technologie qui permet d'estimer en temps réel la situation du trafic automobile en utilisant des réseaux de téléphonie cellulaire. On s'entend, la plupart des gens dans leur auto, les gens qui nous écoutent, qui sont peut-être en route vers chez eux... Probablement. Il y a des bonnes chances qu'il y ait un cellulaire. Il y a une bonne partie de la population qui en a présentement. Il va en avoir encore plus dans 5 ans, voire presque tout le monde éventuellement. Et sinon, si on n'a pas de cellulaire, on a parfois des GPS dans nos automobiles pour savoir où on s'en va. Et de plus en plus, ça devient aussi intégré. Et donc, on utilise ces données de géolocalisation pour savoir combien d'autos sont sur la route, sur quelle route et à quel moment. OK, mais ça, c'est fort, là. Ça nécessite quand même une bonne banque de données, puis une bonne redirection aussi des données. Ben oui, effectivement. En fait, il faut vraiment que ce soit une approche bien intégrée, bien développée, mais au niveau de la planification routière, ça va devenir extrêmement intéressant parce que pour l'instant, on a quelques caméras sur des artères précises. Il y a quand même des moyens qui sont disponibles pour aller chercher des données. Mais si on les bonifie, ces moyens qui sont déjà existants, avec simplement les données de géolocalisation en signant un accord, bien entendu, avec les compagnies qui gèrent ces données-là, eh ben ça devient une stratégie complète, intégrale, par rapport à la gestion du trafic. Mais et là, donc, ça peut venir à l'encontre, par exemple, de la vie privée des gens, parce qu'à tout moment, on sait où ils sont. Ça, c'est l'autre grande question. Dans quelle mesure on peut se permettre d'utiliser quel type? Si on émet simplement un signal sans associer le signal à l'individu, c'est moins lié à la vie privée. Ça revient simplement à une mini-caméra et sans sens d'identification. Mais ça, c'est l'autre question. Jusqu'où on peut aller? Et ça, c'est de manière générale dans tout ce qui a trait à la géolocalisation, d'ailleurs. Et ce qui fait, par exemple, aussi que d'autres services, je prends exemple, je pense à San Francisco, eux, ils avaient intégré ça, mais tu fallait s'abonner au service. C'était pour trouver les hotspots dans les villes. Donc, exemple, tu veux sortir un soir, tu prends cette application-là, cette application t'indique où sont les gens. Et il y a d'autres applications qui avaient poussé un peu plus loin où les gens qui étaient abonnés à ces services-là pouvaient intégrer leur niveau de satisfaction face à ce qu'ils faisaient présentement pour voir où dans les villes les gens étaient le plus heureux, où il y avait une concentration de bonheur. Et il y avait remarqué par exemple que dans des grands festivals, des grandes manifestations publiques, il y avait des petites concentrations de bonheur. Et donc les gens voyaient ça et pouvaient se diriger vers les lieux où il se passait quelque chose. Et ça, c'est drôle parce que s'il y a vraiment un mauvais spectacle, on le voit aussi. Oui, ou s'il y a un accident. Aussi. Ou si il y a un passage d'un politicien peu apprécié, d'un politicien très apprécié, une manifestation spontanée. Donc, on peut carrément cartographier les émotions à l'intérieur de la ville. Ça, c'est particulier. Et si on pousse un peu plus loin à Helsinki, eux, ils ont développé un truc qui s'appelle City Wall. Donc, c'est un nouveau média urbain de communication, de services d'échange entre les habitants et les visiteurs de la ville. Donc, essentiellement, c'est comme si, ici à Québec, on avait, à Place Duville, un immense écran interactif tactile installé et pouvant être utilisé par plusieurs personnes en même temps. Alors là, les usagers peuvent s'informer autant sur des événements, obtenir des informations en temps réel sur la vie d'un quartier, sur la ville, se localiser, partager une information ou un avis, rechercher un service, une administration, identifier les bons plans, etc. Donc essentiellement, on est touriste, on cherche un lieu pour manger, on clique, on voit selon le restaurant, on va chercher des avis que d'autres usagers, des visiteurs ou des citoyens ont laissé. On peut voir aussi justement en joignant avec d'autres applications où sont les gens, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Donc ça devient un portail interactif extrêmement précieux pour une administration municipale, pour une ville qui vit un peu du tourisme. Donc ça peut être aussi une perspective assez intéressante. Il y a d'autres éléments aussi qui sont plus ciblés. Je pense en fait à un exemple en France, c'est peuplade.fr qui eux font dans la localisation mais de citoyens d'un même quartier. Donc exemple, tu t'abonnes à ça, t'habites à Limoilou. Donc tu mets que t'es un citoyen de Limoilou et donc ce qui fait qu'en temps réel, tu vas toujours savoir s'il y a d'autres gens de Limoilou qui sont au même endroit en même temps que toi. Bien entendu, on peut créer d'autres types de groupes aussi, que ce soit des groupes d'intérêt, que ce soit des groupes localisés, mais l'idée, c'est de créer un peu des peuplades, de recréer un peu un esprit de tribu et pouvoir savoir où sont les autres membres de, j'ouvre les guillemets, notre tribu, d'un endroit à l'autre. Ce qui fait que si on est dans un café, on peut se rendre compte qu'il y a plein de philatélistes avec nous et peut-être ouvrir la discussion. Exactement. Aller jaser philatélie avec des gens. Si on se rend compte qu'il y a pas mal de gens de Limoilou et qu'on est à Montréal et qu'on est tout seul, ben peut-être que si on s'oriente vers ces gens qui sont du même quartier, on va les connaître, on va pouvoir avoir des amis pour la soirée ou pour le spectacle, pour l'événement. Donc plein de petits usages comme ça. Je pousse un peu plus loin, peut-être un dernier petit exemple. À New York, à Londres, à San Francisco, ils ont essayé un projet qui s'appelle Montre Verte ou City Pulse, où là, ils ont donné un petit appareil à un certain nombre de citoyens et ce dispositif-là prenait la mesure de l'air à chaque heure, je crois, et était muni d'une puce GPS. Donc, ils pouvaient suivre ces gens-là dans leur déplacement et, selon leur déplacement, mesurer en temps réel la qualité de l'air à l'endroit où ils se trouvaient. Donc, pour voir quel secteur était plus problématique, est-ce qu'il y avait des variations au cours de la journée, comment ça se passait, etc., etc. Donc, il y a aussi des applications qui nous permettent de bonifier carrément la qualité de vie autre que festive, autre que sociale, d'une ville. Donc, pratique pour les gens qui font de l'asthme, par exemple, qui ont des problèmes respiratoires, qui peuvent pas aller dans des milieux un peu plus pollués. Oui, puis par après, en fait, c'est qu'on peut colliger ces données-là, ces mesures qui sont peut-être moins onéreuses que si on les fixait à un endroit précis, mais même s'ils sont fixés à un endroit précis, remarque. Après ça, on peut les colliger via une application puis dire, ben voilà, présentement, la qualité de l'air est très mauvaise à tel endroit. Donc, si moi, par exemple, je suis asthmatique, je peux souffrir de certains problèmes de ce type-là, mais je peux m'abonner à cette application-là et savoir que à un moment précis, il faut pas que j'aille me promener, par exemple, sur Fleet Street parce qu'il y a un problème, ou que si je vais à la station de métro à tel endroit, c'est peut-être un peu moins bon. Donc, il y a une manière d'aller chercher des données qui peut être extrêmement stimulante, et également de trouver des manières pour les mettre en commun et pour les organiser pour bonifier, au bout du compte, notre manière de vivre, notre manière de fonctionner, et rendre peut-être un peu plus intime, j'ai envie de dire, nos relations avec la ville. Mais de ce que j'en comprends, Raymond, dans la notion de ville intelligente, il y a vraiment une grande part de partage. Oui, ben c'est ce qu'il faut, en fait, puis c'est au bout du compte, ça devient une communauté peut-être un peu plus serrée, plus tissée serrée à certains égards. Il y a un partage d'informations, il y a un partage de données, il y a cette idée que le citoyen devient aussi un acteur peut-être un peu plus actif à l'intérieur de sa ville, que ce soit justement principalement par les données qu'il va rendre, par les données qu'il va proposer. Alors, c'est un dossier qui est à surveiller, en fait, parce qu'il faut dire globalement, peut-être que c'est la première fois que vous entendez parler de ce concept-là, peut-être non, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on va en entendre parler beaucoup des villes intelligentes, que ce soit ici ou ailleurs, parce que exemple, en 2010, il y a 8,1 milliards de dollars qui ont été investis sur le dossier à l'international. Selon une étude de la firme ABI Research, ce montant-là devrait passer à 39,5 milliards de dollars d'ici 2016. Alors, ça devient de plus en plus une priorité. On le voit à Québec avec le fait qu'on se retrouve donc dans ce Smart 21, mais c'est également une priorité pour nous ici. À l'Université Laval, il y a de la recherche qui se fait en ce sens-là. Je lance comme ça, il y a un professeur qui s'appelle Sel Melouli qui réfléchit présentement à des éléments autour de la ville intelligente. Donc, ce qui fait que on se lance un peu le concept ce soir, Tania, mais on aura assurément l'occasion de s'en reparler au fil de l'année à venir, parce que c'est un dossier extrêmement actuel, extrêmement important, et extrêmement structurant aussi pour une agglomération comme Québec. Oui, mais je trouve le concept vraiment très agréable, et j'aurais envie d'en discuter plus. Malheureusement, le temps file entre nos droits et nos doigts aussi. Et pour ceux qui voudraient réentendre cette chronique ou celle qu'on a fait auparavant, Raymond, on les retrouve sur le site de l'ITIS. Oui, www.itis.ulaval.ca. Mais merci beaucoup d'être passé nous parler des villes intelligentes. Raymond Poirier, chargé de communication à l'Institut Technologie de l'Information et Société.